Près de la fontaine, un oiseau chantait. Près de la fontaine, un oiseau chantait. Un oiseau à la volette, un oiseau à la volette, un oiseau chantait. J'écoute. À tous.